case. Idée reçue numéro 1. Copier un morceau de musique, c'est comme voler un CD en magasin. Lu par lecteur. Idée reçue numéro 1. Copier un morceau de musique, c'est comme voler un CD en magasin. Juin 1999. Sean Fanning met à disposition sur l'internet ce qui deviendra le cauchemar de l'industrie du disque, Napster. Le service mis au point par cet étudiant californien de 18 ans s'appuie sur une avancée technologique du milieu des années 90, le format MP3, qui permet de stocker une chanson dans une taille inférieure au fichier original et de l'expédier par email en un temps relativement court. Fanning ajoute la puissance du réseau à cette technologie. Avec Napster, tous les internautes peuvent partager les fichiers MP3 présents sur leur disque dur. C'est l'émergence du pair-à-pair, peer-to-peer ou P2P. Le succès est fulgurant. En quelques mois, plusieurs millions de personnes prennent l'habitude de puiser dans ce jukebox universel. L'abondance de ce catalogue sans frontières dévalue le modèle centenaire des œuvres diffusées sur des supports physiques, avec ses magasins à l'offre forcément limitée et ses fonds de catalogue non exploités. Les majors du disque réagissent très vite contre le trublion et la Recording Industry Association of America, RIAA, le syndicat professionnel américain des majors, porte plainte pour violation massive des droits d'auteur. Le soutien de quelques artistes, comme ceux du groupe Offspring, n'y suffira pas, la RIAA l'emportera et en juillet 2001, la justice ordonne l'arrêt du service. Fin de la fête, au contraire. Les dizaines de millions d'orphelins de Napster se ruent sur les clones comme Kazag, Nutella ou Idonkey qui fleurissent pour le remplacer. Autant de services qui permettent d'échanger de la musique, mais désormais aussi des films, des logiciels, des images. Et surtout, les successeurs du logiciel de Fanning ont tiré les enseignements de la guérilla judiciaire précédente. Napster était une entreprise basée en Californie, qui hébergeait sur ses machines la liste de toutes les chansons proposées à l'échange par les internautes. C'est ainsi que la justice américaine a considéré qu'elle pouvait savoir ce que ses utilisateurs faisaient et devait donc les empêcher de copier illégalement de la musique. Kazaa et les autres, eux, sont totalement décentralisés. Une fois le logiciel téléchargé, les internautes se débrouillent entre eux et aucune trace de leurs activités ne transite par les ordinateurs des firmes concernées. Ce principe leur sert de parapluie judiciaire. En décembre 2003, la Cour suprême des Pays-Bas rejette la plainte de la Bouma Stemra, l'équivalent local de la SACEM, contre Kazaa, car celui-ci ne peut maîtriser les usages des internautes. Au nom de la logique déjà suivie par la Cour suprême américaine en 1984 pour refuser l'interdiction du magnétoscope, le juge Stephen Wilson aboutit aux mêmes conclusions et déboute en avril 2003 studios et labels musicaux qui réclamaient l'interdiction de Grokster et Streamcast. Car, selon lui, les usagers du P2P peuvent les employer à la fois à des fins légales et illégales. Grokster et Streamcast ne sont pas significativement différents des entreprises qui vendent des magnétoscopes enregistreurs ou des photocopieurs, ces deux produits pouvant être et étant de fait utilisés pour attenter aux droits d'auteur, mais aussi pour distribuer des bandes annonces de films, des chansons libres de droit et d'autres œuvres non protégées par le droit d'auteur, comme celle de Shakespeare. Pour les industries culturelles, c'est l'échec. Les majors et les studios vont-ils mettre un terme à leur offensive et tenter de composer avec ces nouveaux moyens de distribution? Non. En septembre 2003, la RIAA lance une série de procédures judiciaires contre des utilisateurs des différents services. Et l'Europe suit l'exemple à l'été 2004 avec plusieurs dizaines de plaintes déposées par des studios et des maisons de disques. La guerre lancée par les industries culturelles contre le P2P devient un combat contre leurs propres clients.